Bosco Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 15 août 2019. En voici les grands titres. L'Église enseigne la vérité, quelquefois la vérité blesse. C'est en ces termes que le président de la Conférence des évêques du Burundi a répondu au président de l'Assemblée nationale qui a demandé aux hommes d'Église de ne pas se mêler de politique. C'était à Mugera à la fin de la célébration ce 15 août de l'Assomption. Et les partis Uprona et Frode Bunyakuri demandent à la Commission électorale nationale indépendante d'accélérer le processus de mise en place de ces démembrements et surtout de veiller à l'inclusivité quant à leur composition. Les statistiques de l'Office burundais des recettes OBR et celles de l'Istebou montrent que les exportations burundaises constituées essentiellement de café à hauteur de 40% ont chuté au premier trimestre 2019 par rapport à la même période l'année dernière. 68 milliards de francs burundais seulement ont été générés en 2019. Et dans la rubrique « Parlons femmes », on aura des témoignages de femmes de la zone Rugari en province Muyinga. Elles reconnaissent que le manque de confiance en elles constitue la cause principale de leur faible représentation dans l'administration. Vestine Boutoyi les a rencontrées sur la colline Gassassa. Elle est de retour. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonsoir, le parti Uprona demande à la Commission électorale nationale indépendante l'inclusivité quant à la composition des démembrements de cette commission dans les provinces et communes. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de ce parti, dit que l'Uprona se prépare pour envoyer ses membres dans ces démembrements. Suivez-le au téléphone avec Elini Belniwigira. Au niveau du parti Uprona, nous sommes déjà informés, tenant compte du calendrier électoral déjà publié par la CENI. Si nous essayons de lire, bien sûr, le calendrier, nous trouvons que ces démembrements seront mis en place plus tard, en mois d'octobre, novembre. Et je pense alors qu'au niveau du parti Uprona, nous sommes en train de se préparer pour chercher les hommes de valeur qui seront candidats, une fois choisis par la CENI, vont nous représenter au sein de ces démembrements. Alors, nous sommes informés, je pense que ce n'est pas plus tard. Essentiellement, il faut que la CENI essaye de tenir compte des différentes opinions. Il faut que au niveau des démembrements, soit des partis politiques soient représentés, mais aussi la société civile et d'autres acteurs politiques qui sont ici au Burundi. Bien sûr, en tenant compte de la présence de ces formations politiques dans les différentes régions du pays. Au niveau du parti Uprona, alors, ce que nous comptons demander à la CENI, c'est de tenir de toutes ces paramètres pour que, bien sûr, après la mise en place de ce démembrement, soit accepté par tout le monde et pour que nous mettions aussi, dans ce cas, notre confiance. Et je pense qu'après les élections, on aura à juger à ce démembrement. Le Burundi compte plus de 30 partis politiques. Est-ce que vous croyez qu'ils seront tous représentés? C'est ça les manœuvres de la CENI, mais ils vont tenir compte des partis qui vont participer dans les élections. Et je pense que c'est ça le devoir de la CENI, de tout faire. Sinon, c'est difficile de mettre tous les partis politiques dans ces démembrements. Mais je pense que la CENI va essayer de tout faire en tenant compte de la présence de ses membres dans les différents communes et différentes provinces. Olivier Nkurunziza, c'est le secrétaire général et porte-parole du parti Uprona. Et au sein du parti Frode Bunyakuri, on demande à la CENI de respecter le calendrier provisoire tel que sorti en ce qui concerne la mise en place des démembrements. Suivez Kefani Wizi, c'est le président de ce parti, au téléphone avec Moïse Misago. Il reste quelques mois avant d'entrer dans les élections de 2020 et comme nous l'avons appris lors de la présentation du calendrier provisoire des élections de 2020, la CENI avait précisé que au mois d'octobre, les CEPIR et les CECI seront déjà mis en place. Alors si la CENI respecterait ce calendrier, nous pensons qu'il n'empêcherait pas que les activités électorales puissent aller normalement. Quels sont les membres qui devraient composer ces démembrements de la CENI? Bon, d'abord, il faut souligner que pas mal de partis politiques se sont lamentés qui n'ont pas été représentés à la CENI, ce qui d'une part était compréhensible. Mais nous pensons que maintenant, la CENI devrait fournir ses efforts pour que les partis politiques qui sont les premiers concernés par les élections puissent être représentés suffisamment dans ces démembrements, notamment la CEPI, la CECI, voire même les bureaux de vote. Nous avons constaté dans le passé, c'était presque uniquement les partis politiques représentés dans la CENI ou au Parlement qui se donnaient la part de lion dans les CEPI et dans les CECI. Mais nous pensons qu'il faudra que cela ne soit pas toujours comme ça et qu'il faut faire à ce que tous les partis politiques soient représentés. Nous avons aussi constaté que dans une certaine mesure, on y insère beaucoup de membres de la société civile et des confessions religieuses. Et on constate qu'il peut être une façon d'aiguiser quand les partis ou tous les partis politiques soient plus représentés. C'est bien que les associations de la société civile et confessions religieuses puissent être représentées et dans ces démembrements, mais il ne faudrait pas qu'ils viennent supplanter les partis politiques qui sont en général les plus concernés par les élections. Kefani Wizi, président du parti Frodebou Nyakuri. Je vous l'avais dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale a en son nom propre demandé aux hommes d'église catholique de ne pas se mêler de politique en affichant leur position politique. Il a déclaré ce jeudi à Mouguera, en province Gitega, à la fin de la messe de l'Assomption. Le président de la conférence des évêques du Burundi a répliqué que les hommes d'église enseignent la parole de Dieu qui est une vérité et que des fois la vérité blesse. C'est un reportage sur place de notre correspondant Gérard Nibikira. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a dans son discours précisé qu'il avait trois mots, deux pour son propre gré et un autre pour le gouvernement qu'il avait représenté dans ces cérémonies. Concernant son premier mot propre, il a été question de demander aux hommes de l'Église catholique présents de ne pas se mêler de la politique et surtout de ne pas montrer leur position politique maintenant que les élections de 2020 approchent. Il leur a rappelé que leur mission est d'enseigner la bonne nouvelle et que quand il y parle politique, il déroute et déstabilise les fidèles. Il a ensuite insisté sur le fait que les hommes d'église ont leur façon de dire des choses dans un langage doux qui ne blesse personne avec des tournures et préfère qu'ils usent de cette façon de dire. Il a terminé en signalant que les fidèles, une fois à l'église, ne veulent qu'écouter la parole de Dieu, la politique ayant sa place ailleurs qu'à l'église, avec des politiciens pour enseigner la politique. Prenant la parole, le président de la Conférence nationale des évêques du Burundi, archevêque Gervais Manchimiusa, a remercié le président de l'Assemblée nationale pour leur rappeler leur rôle de concilier les gens, de ne pas montrer leur position politique et d'user d'un langage doux. Toutefois, il a souligné qu'ils enseignent la parole de Dieu qui est une vérité pure et que des fois la vérité blesse et surtout qu'ils ne peuvent pas changer et contourner cette vérité. Il est revenu sur des prophètes qui les ont devancés en disant la vérité et qui malheureusement ont été même tués pour ça. Il a conclu qu'ils sont appelés à dire la vérité telle que Dieu l'a recommandée au prophète Jérémie et qu'au cas contraire, ils auraient des comptes à rendre. Cela étant, le deuxième mot du président de l'Assemblée nationale est de manifester sa joie d'être à Mouguera pour la première fois. Quant au mot du gouvernement, il a déclaré que c'est de remercier l'Église catholique pour ses réalisations du point de vue politique et de ses bonnes relations avec le gouvernement du Burundi et a sollicité que ces relations s'améliorent davantage. Il a été aussi question d'appeler l'Église à appuyer les programmes et projets du gouvernement, à l'exemple du programme des coopératives et de la banque des jeunes. L'archevêque Gervais Manchimiusa a promis que l'Église catholique est prête à donner sa contribution dans ce programme de coopératives. Depuis Mouguera, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Économie dans la suite de ce journal. Le total des exportations domestiques et les réexportations durant le premier trimestre de 2019 s'élève à plus de 68 milliards de francs burundais. Les statistiques de l'ISTEBU montrent que ces exportations ont chuté par rapport au premier trimestre de 2018. Et se basant sur les exportations des produits tels que le café, le thé, les minéraux, les chiffres de l'Office burundais des recettes, OBR, au cours du second semestre de 2018, font état de plus de 40% constitués par le café. Mireille Kanyang. Selon les statistiques provisoires du commerce extérieur des marchandises du Burundi, bulletin du second semestre 2018, le BR montre que les exportations domestiques au cours de cette période sont principalement dominées par les produits agricoles, constituant à eux seuls plus de 67%. C'est notamment le café, exporté à hauteur de 40,6%, le thé exporté à hauteur de 16%, la farine de blé à hauteur de 6%, du tabac à hauteur de 3%. La seconde position est occupée par les produits miniers. Il s'agit de l'or pour 13,7%, des minerais de niobium à hauteur de 7%, les minerais de tungstène à hauteur de 1,4% et les minerais de tungstène et leur concentré pour 1,3%. Quant aux statistiques de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, Istebu, dans son bulletin du commerce extérieur premier trimestre 2019, font état du total des exportations domestiques et réexportations de 68,8 milliards de francs burundais contre 108,3 milliards de francs burundais au même trimestre de 2018. Les exportations des produits domestiques au cours des trois premiers mois de cette année s'évaluent à 63,7 milliards de francs burundais et sont principalement dominées par le café pour 24,7 milliards de francs burundais, le thé pour 10,2 milliards de francs burundais et les minerais qui ont rapporté 7,1 milliards de francs burundais, selon toujours l'Istebu. En comparaison avec le même trimestre de 2018, les exportations des produits domestiques du premier trimestre 2019 enregistre une baisse sensible avec 104,4 milliards au premier trimestre de 2018 à 67,7 milliards de francs burundais au premier trimestre de cette année. C'est une chute essentiellement attribuée à la diminution des exportations de l'or, du thé et de la farine du froment. Néanmoins, explique toujours l'Istebu, les exportations du café augmentent d'environ 14,4% entre les deux périodes. Mireille Kanyang, la rentrée scolaire 2019-2020 approche, c'est dans plus ou moins 2 semaines. Des effets scolaires comme les cahiers et les sacs à dos des enfants sont étalés sur différents lieux au centre-ville en mairie de Bujumbura. Les clients disent qu'ils sont chers par rapport à l'année dernière, ce que reconnaissent les commerçants. Reportage Ornella Mocho. Les cahiers, les sacs à dos et les uniformes comme kaki sont vendus sur différents lieux comme tout près du parking de Bisnyakabiga. C'est également tout près de l'ex-marché central de Bujumbura. On constate que les clients viennent un à un acheter ces effets scolaires. Un des clients trouvés sur place avance que les prix ont monté par rapport à l'année passée. Cela est confirmé par l'un des commerçants qui fait savoir que le prix a passé de 300 à 500 francs par article. Par exemple, des cahiers fabriqués au Burundi, le prix a augmenté de 400 francs bou et d'autres provenant de l'extérieur, ils ont augmenté de 300 francs bou pour chaque cahier. Ceux qui vendent les uniformes disent que certains tissus comme kaki ont augmenté le prix de 500 francs à 1000 francs bou. Et celui qui vend les cahiers indique que maintenant, toutes les sortes de cahiers sont disponibles sur le marché malgré la cherté. Maintenant, les clients ne sont pas encore nombreux. Ceux qui viennent disent qu'ils ont peur que les prix peuvent augmenter de nouveau vers la fin de ce mois. Mais franchement, nous augmentons les prix en fonction des prix d'achat au marché d'approvisionnement. On ne peut pas augmenter le prix à cause d'une forte demande. Ces commerçants disent que les cahiers fabriqués au Burundi ont été mis au marché ce mercredi et soulignent qu'ils sont chers par rapport à ceux provenant de l'Ouganda et du Kenya. Ornella Hamucho, la paix sociale dans le monde du travail est généralement le résultat d'une franche collaboration entre les trois partenaires sociaux, dont le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Le secrétaire exécutif permanent, qui a représenté le président du Comité national de dialogue social dans un atelier de formation ce mercredi à Makamba, en collaboration avec l'Association des employeurs du Burundi et la Confédération des syndicats du Burundi, l'a rappelé à l'intention des membres des comités provinciaux de dialogue social de la région du sud du pays. Athanase Mbonawucha a dit que le dialogue social est toujours nécessaire en cas de conflit comme dans un beau climat. Les joueurs de l'équipe nationale de football de moins de 20 ans ont pris l'avion ce mercredi soir à destination du Maroc pour prendre part aux compétitions des Jeux africains édition 2019. 54 pays vont participer à ces Jeux africains et les quatre premiers auront l'occasion de représenter le continent africain dans les Jeux olympiques prévus au Japon l'année prochaine. Le Burundi va livrer son premier match samedi 17 août. Ce sera contre le Ghana. Parlons maintenant femmes. Parlons femmes. Parlons femmes avec Vestine Boutoyi. Le manque de confiance en elles handicape la représentation des femmes dans des postes administratifs à la base. Selon des habitants de la colline Gassassa, en zone Rugari de la commune et province Muyinga, le chef de cette colline fait savoir que l'absence de femmes dans son administration collinaire rend presque impossible certains conseils à l'égard des femmes. Le gouverneur de la province Muyinga, Aline Manirabarusha, lance un appel à toutes les femmes de se faire élire et de se soutenir mutuellement en vue d'occuper des postes administratifs. Vestine Boutoyi est de retour de Muyinga. Reportage. Des habitants de la sous-colline Meru, colline Gassassa de la commune et province Muyinga, indiquent que parmi les facteurs qui handicapent la représentation des femmes dans des postes administratifs à la base, figure le manque de confiance entre elles. Nous les femmes, on se sous-estime et on a peur de se faire élire. En plus, entre nous, on ne s'aime pas. C'est pourquoi nous sommes des minorités sur les listes électorales. De plus, un monsieur de cette localité signale la dépendance économique des femmes et le manque du temps pour participer dans des réunions. Même si elles se faisaient élire, elles ont peu de chances de gagner ces élections parce qu'elles subissent certaines injustices dans leur foyer qu'il faut qu'elles n'ont pas des moyens pour offrir un verre aux votants. Tu n'investis rien, tu ne gagnes rien. Cependant, des conséquences résultant de la dite sous-représentation des femmes sont entre autres le manque de confiance des institutions à la base, faite d'une seule catégorie de gens. Si une fois tu vas voir un responsable pour des doléances à cause des problèmes familiaux, comme ce responsable est un homme, il va directement soutenir un homme comme lui. Et la femme, son problème est négligé. En outre, le chef de la colline Gassassa déplore qu'il soit difficile de s'adresser à une telle ou telle autre femme pour lui donner des conseils en cas de besoin. Le gouverneur de la province Muyinga, Aline Manirabarusha, exalte les avancées opérées par des femmes quand elles sont dans des institutions. Parmi les femmes que j'ai dit, je vois vraiment qu'elles travaillent bien et quand elles prennent des décisions vraiment prennent des décisions nécessaires. Donc, je dirais que ce n'est pas pour dire que les femmes sont plus fortes que les hommes, mais la plupart des fois, les femmes qui occupent des postes de décision sont mieux que les hommes. Au moment où le gouverneur de la province Muyinga appelle toutes les femmes à se soutenir mutuellement afin d'être représentées convenablement dans des structures administratives à la base, un des cadres de l'association CAFOB leur demande de coopérer avec leur mari. Parmi 50 collines qui composent la commune Muyinga, une seule est administrée par une femme selon les autorités de l'administration communale. Vestine Boutoyi de retour de Muyinga. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'Église enseigne la parole de Dieu qui est vérité. Quelquefois la vérité blesse. Et c'est en ces termes que le président de la conférence des évêques du Burundi a répondu au président de l'Assemblée nationale qui a demandé aux hommes d'Église de ne pas se mêler de politique. C'était à Mugera à la fin de la célébration de ce 15 août de l'Assomption. Et les partis Uprona et Frode Bunyakuri demande à la Commission électorale nationale indépendante d'accélérer le processus de mise en place de ces démembrements et surtout de veiller à l'inclusivité quant à leur composition. Ce journal a été mis en onde par Elie Kadogo au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.